premiers seront les premiers. International, hustler, nègre de la pègre. Zéro, nos concurrents sont dead, sur la masse t'as la pelle. Tu veux test, mais quand le chrome part, tu nous parles de la mec. Noir et la messe, brève et la fête, pillage, courte à la mèche. Hors la loi, j'suis chez WAM, sur la planète entière. Beta, Omega, diplômé d'état à la pénitentiaire. Zéro point sur le permis, j'roule comme une vieille dans mon Land Cruiser. J'vois trop souvent les hyènes dans mon rétroviseur. Faire du rap, j'en ai jamais rêvé, j'prends le mic, c'est la Bosnie. Les strings sont mouillés, au scalpel rouillé, c'est fait l'autopsie. Volume 1 disponible chez ton armurier. Oh oh oh, ça. On veut voir du pays, on veut des visas. On vend de la schnouf, on s'achète pas de BM, on livre en des pizzas. Terminus, tout le monde descend. Love de Hero. Les hootsels sur un fruit. Par la Crécor dans l'appareil. Oh, je te préviens, Pont-de-Sèvres à Nanterre. Haute-Seine, grande classe. 9-9-2-2. Haute-Seine, grande classe. 9-9-9-9-9-9-2-2. Dealer de rime, dealer de MC. Dealer de rime, dealer de MC. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-